Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 108. De la division des anges par hiérarchie et par ordre. Pluralité de hiérarchie, pluralité d'ordre dans la même hiérarchie, pluralité d'anges dans le même ordre. Source de cette division. Nom des ordres angéliques, rapport des ordres entre eux. Les hommes feront-ils partie des ordres angéliques? 1. Y a-t-il plusieurs hiérarchies d'anges? Saint-Denis distingue trois hiérarchies d'anges, d'après les trois manières de connaître la raison des choses créées. La première hiérarchie, qui est en rapport immédiat avec Dieu et comme placée dans ses vestibules, envisage les créatures en tant qu'elles procèdent du premier principe universel, qui est Dieu. La seconde hiérarchie les considère comme dépendant des causes universelles créées, qui se multiplient déjà d'une certaine façon. La troisième hiérarchie les voit dans leur application particulière et dans la dépendance où elles sont vis-à-vis de leurs causes propres. Ces distinctions s'éclairciront dans la suite, lorsqu'il s'agira de chaque ordre en particulier. Note. Les hiérarchies ne se distinguent pas sous le rapport de la connaissance de Dieu, que tous les anges voient de la même manière, c'est-à-dire dans son essence. Elles se distinguent seulement quant aux raisons des choses créées, sur lesquelles les anges supérieurs illuminent les inférieurs. Fin de la note. 2. Y a-t-il plusieurs ordres dans une hiérarchie ? On entend par hiérarchie une société obéissant à un gouvernement. Or, comme dans toute multitude ou société il y a trois ordres, qui sont, les grands, la bourgeoisie et le peuple, il y a, de même, dans chaque hiérarchie angélique, trois ordres qui se distinguent par la diversité de leurs actes et de leurs fonctions, l'ordre supérieur, l'ordre moyen et l'ordre inférieur. 3. Y a-t-il plusieurs anges dans un ordre? Il y a, dans l'ordre des séraphins, plusieurs anges, car, selon Isaïe 6, 3, les séraphins crient l'un à l'autre. Il en doit être de même des autres ordres. Si nous savions parfaitement quelles sont les attributions des anges et ce qui distingue ces esprits les uns des autres, nous verrions que chacun d'eux a sa fonction spéciale et son ordre particulier beaucoup plus encore que chaque étoile du firmament. Mais, ne connaissant qu'imparfaitement ces choses, nous devons nous contenter de diviser leurs ordres et leurs fonctions d'une manière générale. Nous dirons donc simplement, avec saint Denis, qu'il y a plusieurs anges dans un même ordre, les premiers, les intermédiaires et les derniers. 4. La distinction des hiérarchies et des ordres vient-elle de la nature angélique? La distinction des hiérarchies et des ordres vient de la nature angélique et de la grâce. À considérer la fin naturelle des anges, les ordres se distinguent par les dons naturels, mais, si on envisage leur fin surnaturelle, qui consiste dans la vision de Dieu, à laquelle on n'arrive que par la grâce, les ordres se distinguent définitivement par les dons surnaturels, auxquels les dons naturels les avaient disposés, parce que les dons de la grâce leur furent accordés dans une mesure proportionnée à leur élévation naturelle. La même chose n'a pas lieu pour les hommes, les ordres, en ce qui nous concerne, se distinguent par la grâce seulement, et non par les talents naturels. 5. Les ordres angéliques sont-ils convenablement nommés? Les noms des ordres angéliques se lisent dans l'Écriture sainte, dont l'autorité doit nous suffire. Saint Grégoire et Saint Denis ont montré la convenance de ces noms par leur harmonie avec les propriétés des anges. Voici les ordres angéliques avec l'abrégé des attributions que ces deux docteurs assignent à chacun. Les séraphins, confère Isaïe 6, retracent par leur nom l'amour divin dont ils sont enflammés, et l'action puissante qu'ils exercent par l'illumination, que l'on compare à un incendie. Les chérubins, confère Ézéchiel 10, possèdent le privilège de la science, comme les séraphins possèdent celui de l'amour. Les trônes, confère Colossiens 1, 16, reçoivent en quelque sorte Dieu en eux-mêmes comme dans une habitation, et sont toujours ouverts pour le posséder et le transmettre aux autres. Les dominations, confère Éphésiens 1, 21, signifient un gouvernement fort, mais sans oppression tyrannique. Les vertus, confère Éphésiens 1, désignent une participation à la puissance divine et caractérisent la force. Les puissances, confère Éphésiens 1, emporte l'idée d'un certain ordre à établir dans les choses que les inférieurs doivent exécuter. Les principautés, confère Éphésiens 1, nous marquent l'action de diriger l'exécution des ordres divins. Les archanges, confère Saint Jude, sont ainsi nommés parce qu'ils sont princes dans l'ordre des anges et qu'ils annoncent les grands mystères. Les anges, cités çà et là, en plusieurs endroits, tirent leur nom de la mission d'annoncer les choses divines, ange veut dire messager. 6. Les degrés des ordres sont-ils convenablement assignés? Les degrés des ordres sont convenablement assignés par Saint Denis et par Saint Grégoire. En effet, d'après ce qui a été dit plus haut, la première hiérarchie envisage les choses en Dieu même, la seconde, dans les causes universelles, et la troisième, dans leur application aux faits particuliers. Saint Denis, sur ce fondement, met dans la première hiérarchie les séraphins, les chérubins et les trônes, dont les noms indiquent un rapport immédiat avec Dieu. Il compare les séraphins aux grands dignitaires d'un roi, qui accompagnent leur souverain partout où il va, comme lui étant intimement uni, les chérubins, aux ministres qui connaissent tous les secrets de la cour, les trônes, à des sujets revêtus d'une dignité qui leur permet de s'approcher familièrement du roi et de le recevoir chez eux. Il place dans la seconde hiérarchie les ordres qui, par leur dénomination, impliquent l'idée de gouvernement, à savoir les dominations, les vertus et les puissances. Les dominations prescrivent les œuvres dont l'exécution doit avoir lieu, les vertus fournissent les moyens nécessaires pour les accomplir, les puissances établissent de quelle manière on devra les réaliser. Enfin, dans la troisième et dernière hiérarchie, il range les ordres dont les noms indiquent l'exécution même des ordres divins, ce sont les principautés, les archanges et les anges. Les principautés commandent l'action, les archanges exécutent les œuvres importantes, les anges se livrent aux fonctions moindres. Ce qui montre surtout la convenance de cette gradation dans les ordres angéliques, c'est que, d'abord, l'ordre le plus élevé de tous, celui des séraphins, a une certaine affinité avec le Saint-Esprit, qui est l'amour procédant, et qu'ensuite le dernier ordre de chaque hiérarchie supérieure a également de l'affinité avec le plus élevé de la hiérarchie inférieure. Les trônes, en effet, en ont avec les dominations, et les puissances avec les principautés. Note. Saint Grégoire ne diffère de Saint Denis que sur un point, il met les vertus à la place des principautés, et réciproquement. L'attribut est à peu près le même, le nom seul diffère. Les vertus, d'après lui, commandent à la nature corporelle et produisent les miracles. La classification de Saint Denis est prise de l'Épître aux Éphésiens, celle de Saint Grégoire, De l'épître aux Colossiens. Fin de la note. 7. Les ordres angéliques subsisteront-ils après le jour du jugement? Il y a deux choses à considérer dans les ordres angéliques, la distinction des degrés et l'exercice des fonctions. La distinction des degrés, qui, comme on l'a dit, vient de la nature et de la grâce, subsistera toujours. L'exercice des fonctions ne subsistera qu'en partie, il cessera, en tant que ces fonctions ont pour objet de conduire les hommes au salut, mais, en tant qu'elles regardent la possession de la fin dernière, il survivra. Ainsi les fonctions des ordres militaires sont autres dans le combat, autres dans le triomphe. 8. Les hommes sont-ils appelés à faire partie des ordres angéliques? Notre Seigneur a dit des saints, ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, 30. La distinction des natures subsistera toujours, il est vrai, mais il ne faut pas en conclure que les hommes ne peuvent en aucune manière devenir égaux aux anges, ce serait contredire cette parole du Sauveur. Les enfants de la résurrection seront égaux aux anges dans les cieux. Luc 20, 36. Pouvant certainement, avec la grâce, mériter une gloire qui nous égalera à eux dans leurs divers degrés, nous sommes appelés à faire partie de leurs ordres. Il n'y aura point de société, dit l'évêque d'Hippone, l'une des hommes, l'autre des anges, mais une seule société. La raison n'est que le bonheur de tous, ange ou homme, consiste dans l'union avec Dieu seul. Note externe à l'ouvrage. Sur la hiérarchie angélique, il n'y a pas de classification uniformant l'Église sur les neuf cœurs des anges. Celle de Denis la Réopagite et du pape Saint Grégoire demeure la référence. Première, séraphin, chérubin, trône, elle représente Dieu dans ses perfections intimes, ardent amour, vive lumière, inaltérable sainteté. Deuxième, domination, vertu, puissance, elle représente Dieu dans son action au dehors, sage gouvernement, sublime révélation, constant témoignage de bonté. Troisième, principauté, archange, ange, elle représente Dieu dans son action au dehors, sage gouvernement, sublime révélation, constant témoignage de bonté. Voir spiritualitéchrétienne.com markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.